de quelque chose, ce dont il rencontre fait partie de son intelligence, ne fait pas partie de ses émotions, et ceci fait partie de la loi d'impression, et la loi d'impression sert au plan de vie de cet homme dans la vie de celui avec lequel il communique et qui a conscience supramentale. Parce que la conscience supramentale, au cours des siècles, est une conscience, c'est-à-dire une sorte d'intelligence ou un niveau d'intelligence ou une qualité d'intelligence totalement neuve, et automatiquement, qui sera, dans les siècles qui viendront, la conscience du pouvoir. Alors, la conscience supramentale sur la Terre sera la conscience du pouvoir, et il y aura autant de différences entre la conscience du pouvoir de ces hommes, dans différentes nations, qui auront subi les changements vibratoires dans leur système nerveux, que l'on peut retrouver aujourd'hui dans les différentes nations entre les gens qui contrôlent et ceux qui sont gouvernés. Alors, la conscience du pouvoir fera partie de l'intelligence supramentale dans les siècles qui viennent, et le développement de cette conscience supramentale ne s'arrête plus. Ce qui a créé l'involution, c'est que dans le processus de développement de la conscience humaine, soit au niveau du corps vital, du corps astral, du corps mental inférieur, il y avait une fin. Il y avait une limite. Il y a une limite dans le développement de l'intellect. Il y a une limite dans le développement du corps astral. Il y a une limite. C'est-à-dire qu'à un certain moment, le corps astral atteint son plafond, l'intellect atteint son plafond. Même si un homme lit tous les livres du monde, à un certain niveau, il y aura une limite. Parce que la compréhension ne peut pas aller au-delà de ce qu'il peut absorber au niveau des mots. La sienne. Mais lorsque l'homme rentre dans la conscience supramentale, il commence à entrer dans une conscience qui est infinie. De sorte que la conscience supramentale, la descente de l'intelligence cosmique sur la Terre, le contact entre l'homme et l'invisible, le contact entre l'homme et les gouvernements invisibles, le contact entre l'homme planétaire et l'homme cosmique, le contact entre l'homme personnalisé et l'homme prépersonnel, tout cet aspect interne et externe de l'homme qui va se développer au cours des siècles qui viennent, ça n'a plus de fin. Automatiquement viendra un temps dans le monde de l'homme sur le globe terrestre où la conscience supramentale sera la conscience du pouvoir. Et lorsque une conscience devient une conscience du pouvoir, il est normal que la conscience du pouvoir se manifeste dans le temps et l'espace d'une civilisation selon ses propres lois. Donc, sur le plan humain aujourd'hui, au début de cette conscientisation, le même phénomène se produit et l'homme individuellement doit apprendre à ne pas se dévoiler parce que la conscience du pouvoir ne se dévoile pas. La conscience du pouvoir crée des impressions pour expliquer à l'homme ce qu'elle veut, ce qu'elle voit, ce qu'elle sait. Mais ceci fait toujours partie de la relation entre l'homme, lui-même, l'individu qui parle, et la conscience de l'intelligence, ou l'intelligence de sa conscience. Alors l'homme qui se conscientisera au cours des années et des générations devra apprendre à ne pas se dévoiler, mais ce que je dis aujourd'hui, c'est l'explication d'un principe. Demain, ça deviendra pour l'homme une faculté de plus en plus précise, une faculté qui se perfectionnera de plus en plus et qui fera partie de l'ajustement de son corps mental avec son corps émotionnel. Beaucoup de gens ont une tendance naturelle à se dévoiler parce qu'ils sont insécures. Et c'est l'insécurité émotive, c'est l'insécurité psychologique, c'est l'insécurité sociale, c'est l'insécurité de l'ego vis-à-vis de la société qui fait qu'il a tendance à se dévoiler. Parce que pour ne pas pouvoir se dévoiler, pour ne pas se dévoiler, il faut être suffisamment près de sa propre intelligence pour réaliser qu'on n'a pas besoin de se dévoiler. Et ça prend un certain temps pour réaliser qu'on n'a pas besoin de se dévoiler. Parce que l'homme a été habitué, a été enseigné, a été éduqué à socialiser de son esprit. La démocratie en est la preuve éventuelle, et le socialisme en est la preuve éventuelle, et le communisme en est aussi une autre preuve. L'homme a été éduqué à socialiser de son esprit. Et c'est ce qui a amené l'homme à développer les théories de l'humanitarianisme, les théories idéalistes de la philosophie progressive de la fin du millénaire, 18e, 19e, 20e siècle. Mais Ceci fait partie de l'inconscience de la société humaine, fait partie des valeurs judéo-chrétiennes qui sont positives. Mais l'homme qui entrera dans la conscience supramentale mettra complètement ces valeurs de côté, parce que l'homme qui est dans la conscience supramentale entre éventuellement dans ce que j'appelle la valeur de son génie. Et la valeur du génie de l'homme, c'est la valeur qu'il a, la valeur qu'il est capable de rapporter de l'éther lorsqu'il revient dans son corps matériel. Il est évident qu'un homme qui a la capacité d'aller dans l'éther, de changer de plan, d'aller dans un monde parallèle, et qui voit, et qui revient dans la matière, n'est pas intéressé à manifester à l'homme son jeu. C'est-à-dire qu'il n'est pas intéressé à dévoiler à l'homme son jeu. C'est-à-dire qu'il n'est pas intéressé à faire connaître à l'homme ce qu'il sait, parce qu'il sait que l'homme ne peut pas le comprendre, parce que pour qu'il le comprenne, il faut que l'homme soit arrivé à un point, à un stade, où il peut aller dans l'éthérique, c'est-à-dire vivre, bénéficier du changement total de son système nerveux. Alors, l'homme qui sera conscient demain, l'homme qui pourra aller dans l'éthérique, ne pourra pas se dévoiler aux autres hommes. Les ésotéristes, ceux qui font partie dans le passé sur le plan social, des sociétés secrètes, les francs-maçons, les Rose-Croix, les grands maîtres des anciennes écoles qu'on a connues dans le passé, ces hommes étaient très secrets. Ils disaient à l'homme ce qu'ils voulaient. Ils faisaient connaître à l'homme ce qu'ils voulaient. Ils ne faisaient pas connaître à l'homme tout ce que l'homme veut savoir. Et il y a un phénomène qui se produit dans le monde. Ce n'est pas un phénomène qui est tellement près de vous parce que vous n'êtes pas tellement dans le public, mais il y a un phénomène qui existe dans le monde aujourd'hui qui est très important pour l'équilibre des forces dans le monde. C'est le journalisme. Un homme qui a moindrement quelque chose à dire, un homme qui est moindrement dans une certaine notion, une notion qui est particulière à son génie, peut être rencontré par des journalistes. On peut lui demander, mais qu'est-ce que vous pensez, monsieur, ou qu'est-ce que vous mangez, monsieur, ou qu'est-ce que vous faites, monsieur? Les journalistes veulent toujours savoir et comprendre certaines choses. Et il y aura des hommes parmi vous, il y aura des gens parmi vous un jour qui devront être capables de faire face à des journalistes, qui devront être capables de faire face à la télévision, et qui devront être capables de dire et de laisser passer dans les médias d'information ce qu'ils veulent. Et ceci n'est pas facile. Parce que pour être devant un journaliste ou pour être devant un média d'information et dire ce qui fait partie de notre propre intelligence, il faut avoir un très grand contrôle vibratoire sur les mots et il faut être capable de ne jamais être piégé par les questions qui nous viennent de ces gens-là. Ça revient encore au principe de ne jamais ou d'apprendre petit à petit à ne jamais se faire dévoiler dans son jeu. Mais nous, les hommes, à cause de la puissance sociale des mots, et à cause de la puissance sociale des idées, et à cause de la puissance sociale de la valeur des idées, nous avons tendance à être exploités par l'homme. Nous avons tendance à être exploités. Très rares sont les hommes qui sont capables de ne pas être exploités, par exemple. Je prends le journalisme, c'est un exemple. Très rares sont les gens qui ne craquent pas devant la télévision. Alors, quand vous avez un journaliste qui est très, très à point, qui est très habitué dans le dialogue, dans le feu de la conversation, qui peut mettre un interlocuteur en déséquilibre, très rares sont les hommes qui sont capables de faire face à la télé ou à ces médias d'information sans jamais broncher dans leur intelligence. Jamais broncher dans leur intelligence. Et c'est cette mesure d'un homme que l'on reconnaît à la télévision. C'est très important, ceci, parce que je prends un grand chemin pour arriver à quelque chose, parce que je veux le développer d'une façon tranquille et d'une façon qui devient de plus en plus palpable. C'est très important pour l'homme de ne pas, ou d'apprendre à ne pas se dévoiler. Et quand je dis ceci, je le parle en tant que principe, je ne le parle pas en tant qu'attitude. Vous ne pouvez pas commencer à ne pas vous dévoiler. C'est vibratoire, ne pas se dévoiler. Et la raison pour laquelle c'est important, c'est parce qu'un jour viendra où les hommes, de quelque nation qu'ils soient, seront en contact avec d'autres hommes, d'autres intelligences, des intelligences qui sont dans le pouvoir de la conscience, des intelligences qui sont dans le savoir, dans le secret des choses. Et beaucoup de ces hommes seront communiqués par ces intelligences des choses, que ce soit dans le domaine de la science, ou que ce soit dans le domaine de la vie, ou que ce soit dans quelque domaine que ce soit. Et ces hommes seront obligés, dans ce temps-là, de pouvoir garder bouche muette sur ce qu'ils auront entendu. Parce que, s'ils n'apprennent pas, ils ne sont pas capables, dans ce temps-là, de ne pas être pressés émotivement par la nécessité de manifester extérieurement ce qu'ils savent pour des raisons d'insécurité émotive, ce sont eux qui souffriront de ce qu'ils savent. Ce ne seront pas ceux qui leur communiqueront certaines choses. Ce seront eux qui souffriront de ce qu'ils savent et qui seront alourdis par le secret, ainsi de suite, et qui automatiquement seront piégés par le fait qu'ils n'ont pas suffisamment de résistance émotive pour contrôler ces choses qui leur seront dites et qui seront sur leur conscience mentale et émotionnelle un grand poids. Et dans beaucoup de cas, il y aura des gens qui seront dit des choses, et ces choses leur seront dites, étant su d'avance qu'ils feront l'erreur d'en parler, simplement pour les avertir ou pour leur faire comprendre la nécessité de pouvoir garder vibratoirement bouche muette, et non psychologiquement, mais vibratoirement chose muette, pour que plus tard, ils puissent avoir accès à d'autres choses. Je sais pour une... Je sais pour des raisons très définitives que l'homme moderne, l'homme d'aujourd'hui, l'homme qui se conscientise, n'a aucune idée de ce qui l'attend demain vis-à-vis le cosmique, ce que vous, les hommes, appelez le cosmique. Le cosmique, ce n'est pas ce que vous pensez. C'est un mot que vous avez développé au cours de l'histoire, mais ce n'est pas un mot que vous comprenez et ce n'est pas une condition psychologique que vous pouvez réaliser, que vous pouvez vivre tant que vous n'êtes pas dans cette conscience. Et c'est pourquoi les hommes qui viennent, les hommes du 21e siècle, qui auront accès à ce que j'appelle la nouvelle science, seront obligés de savoir ne pas se développer devant les hommes. Ce sera vital pour eux de savoir, de pouvoir ne pas se développer devant les hommes. La conscience du secret occulte, dans le sens que moi je le vois, non pas dans le sens qu'on l'a parlé ou qu'on l'a exploité philosophiquement ou ésotériquement dans le passé. Mais la conscience du secret occulte, c'est la conscience du voile que l'homme un jour sera obligé de mettre au-dessus des formes, des mots, de ses paroles, pour cacher la véritable nature des choses. Je vous donne un exemple. Si nous partons du fait qu'au 21e siècle ou à la fin du cycle, la science humaine sera transmutée, c'est-à-dire que tous les concepts en science d'aujourd'hui seront brûlés, que tous les aspects de la science cartésienne que nous connaissons aujourd'hui, qui font partie de notre monde et qui ont donné à notre civilisation un certain bien-être, que tous ces aspects seront amenés à un autre niveau, et que des hommes dans le monde, des savants, des scientifiques, ainsi de suite, seront donnés de connaître certaines choses par voie télépathique et par voie médiumnique et par voie éthérique. Et ces hommes auront un fardeau, auront une responsabilité vis-à-vis ce qui leur aura été donné. Et le fardeau qu'ils auront vis-à-vis ce qui leur aura été donné sera déjà mesuré dans le cadre du risque de ce qui leur a été donné vis-à-vis le bien-être de la civilisation future. Autrement dit, ceux qui donneront à l'homme de l'information concernant telle chose, telle chose, telle chose, connaîtront déjà les faiblesses de ces hommes, de sorte que ce qui sera donné à l'homme sera proportionnel à cette faiblesse. De sorte que ce ne sera pas ceux qui seront de l'autre côté du mur qui seront responsables pour le temps essentiel ou nécessaire pour l'évolution de la nouvelle civilisation, ce seront les hommes sur le plan matériel. Les hommes seront la mesure de ce que ceux qui sont de l'autre côté pourront leur fournir pour l'évolution de la science ici. Alors, le phénomène de pouvoir retenir, le phénomène de pouvoir ne pas se développer devant un homme est un phénomène extrêmement important et fait partie de la conscience supramentale de l'avenir de l'homme, fait partie de la conscience du secret de l'homme, fait partie de la conscience, de la connaissance de l'homme dans l'avenir. Aujourd'hui, ce n'est pas important pour vous parce que les hommes ne sont pas impliqués encore dans la science. Mais aujourd'hui, c'est important pour vous sur le plan humain. C'est important pour vous sur le plan individuel, sur le plan psychologique, sur le plan de vos relations entre les hommes. Et vous avez la chance aujourd'hui parce que dans la période de transition où l'homme va vers la conscience supramentale et où ses corps s'ajustent, vous avez l'occasion petit à petit de voir dans votre vie de tous les jours, entre vous, votre femme, vos enfants, vos amis, vos alliances au travail, de voir jusqu'à quel point vous êtes capable de retenir ce que vous savez au lieu de le développer et de le projeter à l'extérieur pour des raisons psychologiques qui sont effectivement fondées sur une nécessité chez vous de prouver, de vous donner une certaine couleur, de vous donner une certaine sécurité en allant chercher dans l'autre une certaine affirmation pour quelque chose que vous n'êtes pas encore sûr de savoir et que vous n'êtes pas encore sûr de parfaitement comprendre. Les hommes de la sixième race, les hommes conscients, l'homme de demain, est voué à l'extinction totale de son rapport psychologique entre lui et l'homme moderne. Et ceci est un très lourd fardeau parce que c'est un fardeau dans un sens, c'est un fardeau lorsqu'on commence à en prendre conscience de cet état. Mais avec le temps, ce n'est plus un fardeau, ça devient une nécessité, ça devient une condition naturelle et ça devient un bien-être parce que les hommes de la cinquième race sont sur une longueur d'onde qui est différente de l'homme de la sixième. Mais pendant la période entre les deux, c'est un fardeau pour l'homme de ne pas pouvoir vivre sa conscience psychologique ou sa conscience vibratoire dans un climat de confiance relative avec l'homme. Et quand je dis dans un climat de confiance relative, je dis dans un climat de conscience qui permet à celui qui parle d'être bien entendu par celui qui écoute. À l'intérieur de vous, parmi vous-même, quand vous vous rencontrez, vous avez jusqu'à un certain point cette conscience ou cette confiance de conscience parce que vous êtes de plus en plus sur une longueur d'onde qui est universelle. Mais aussitôt que vous entrez dans le monde, cette longueur d'onde change et à un certain moment, vous ne pouvez plus vous permettre de vous dévoiler. Et même parmi vous-même, vous n'êtes pas capable de parfaitement vous dévoiler parce que vous n'avez pas encore parfaitement la conscience de votre intelligence. Vous entrez lentement dans votre intelligence, mais vous n'avez pas parfaitement la conscience de votre intelligence. Mais lorsque vous aurez pris conscience de votre intelligence, et ceci est un point important, la conscience de notre intelligence n'a rien à faire avec la conscience. La conscience, ce que j'appelle la conscience, c'est un état d'esprit qui permet à l'homme de s'éveiller à l'intelligence. L'intelligence est une autre paire de manches. L'intelligence n'a rien à faire avec la conscience. La conscience est un état qui permet à l'homme de s'éveiller à l'intelligence. Et lorsque l'homme est dans l'intelligence, à ce moment-là, il est automatiquement un être. Dans un être supérieur, un être qui vit selon des lois vibratoires qui sont totalement différentes de l'homme de la cinquième race. Et c'est à partir de ce moment-là que l'homme qui est dans l'intelligence ou qui est dans la conscience de son intelligence, qui a pris conscience de son intelligence, qui a pris contact avec son intelligence, c'est à partir de ce moment-là qu'il est obligé de ne plus se dévoiler. Tant que l'homme se conscientise, il peut se dévoiler parce qu'il est encore à faire ses armes. Il est encore au stage où il profite de lui-même dans le passé et profite de ce qui vient vers lui maintenant. Mais lorsque l'homme est dans la conscience de son intelligence et qu'il est sorti de la conscience purement d'éveil vers cette intelligence, il ne peut plus jouer des deux mains. Il ne peut jouer que d'une main. Il ne peut plus se servir de ce qu'il était dans le passé. Il ne peut se servir que ce qu'il est maintenant. Et ce qu'il est maintenant ne se comprend plus lorsque c'est projeté intégralement vis-à-vis l'homme de la cinquième race. Alors, il est obligé automatiquement de cacher son jeu, c'est-à-dire de dire ce qui convient que l'autre entende. Et c'est une... Dire à quelqu'un ce qu'il doit entendre, non pas ce que vous pouvez lui dire, mais ce qu'il doit entendre, fait partie de l'intelligence sur la Terre. Et quand je dis que ça fait partie de l'intelligence sur la Terre, je dis que ça fait partie de l'intelligence sur la Terre. Je ne peux pas vous l'expliquer plus loin que ça, parce que si je l'expliquais plus loin que ça, je serais obligé d'aller dans une autre dimension du caractère du pouvoir de l'intelligence sur la Terre. Et ceci n'est pas nécessaire parce que l'homme n'est pas encore dans cet état d'esprit. Mais je peux dire que lorsque l'homme entre dans l'intelligence et qu'il sort de la conscience, il est voué au succès total de ses mots. Et un homme, tant que l'homme n'est pas voué au succès total de ses mots, il n'est pas dans l'intelligence. Un homme ne peut pas être dans l'intelligence, il ne peut pas être voué au succès qui vient de la parole. Il y a un succès attaché à la parole. Un succès dans ce sens qu'il y a quelque chose qui se produit, qui fait quelque chose, qui fait bouger quelque chose. Il y a un travail créatif, il y a quelque chose de créatif, de rémunérateur pour l'homme. Mais tant que l'homme n'est pas dans cette intelligence, qu'il est dans sa conscience, à ce moment-là, il faut qu'il réalise petit à petit que ce qu'il sait n'est qu'un fragment de ce que demain il pourra dire. Alors, tant qu'on est inconscient, tant qu'on est dans la conscience, tant qu'on est dans la conscience d'éveil, tant qu'on n'est pas dans l'intelligence, ce que l'on sait, ce que l'on dit, n'est qu'une fragmentation de ce que demain l'on pourra dire. Et lorsque demain l'on pourra dire ce que l'on sait, à ce moment-là, l'homme sera obligé, de par la nature de sa vibration, de voiler complètement son jeu. C'est pourquoi un homme qui est dans l'intelligence ne peut jamais expliquer à l'homme ce qu'il sait. Il peut simplement donner à l'homme de l'information pour créer dans l'esprit de l'homme une impression permettant à l'homme de s'accrocher à quelque chose que demain il comprendra d'une façon plus précise, plus pertinente et plus près de lui-même. Sinon, il y aurait une perte d'énergie énorme. Et nous ne sommes pas habitués à cette nature, à cette qualité de rapport entre les hommes, parce que dans le passé, nous n'avions rien à dire. Alors, dans le passé de l'homme, lorsque l'homme est inconscient, il n'a rien à dire, il passe sa vie à jaser. Et comme il n'a rien à dire, plus il en dit, mieux c'est pour lui sur le plan psychologique de son ego. Et quand l'homme entre dans son intelligence, il a tellement de choses à dire que là, c'est le mouvement contraire qui doit se produire. Il doit apprendre à fermer sa gueule. Alors, la situation est totalement différente. Quand l'homme est inconscient, qu'il n'est pas encore dans son intelligence à plein pied, il n'a rien à dire de réel. Il a peut-être beaucoup de choses à dire qui ne sont pas réelles, mais il n'y a rien à dire de réel. Il n'a rien à dire qui transforme l'esprit. Mais lorsque l'homme entre dans l'intelligence, il a énormément de choses à dire, infiniment de choses à dire au niveau de l'esprit. Alors, il est obligé de contenir ce qu'il peut dire, sinon, il n'est pas parfaitement dans l'intelligence. Et il se produit une tension dans l'homme. Il se produit une tension dans l'homme qui va vers l'intelligence parce que, au début, lorsque l'homme se conscientise, il a tendance à vouloir beaucoup exprimer ce qu'il ressent, mais ce qu'il ressent ne fait pas partie de ce qu'il sait. Ce qu'il ressent fait partie de ce qu'il a l'impression de savoir. Et il y a une très grande différence entre ce que l'on sait et ce que l'on a l'impression de savoir. Et c'est pourquoi des gens, beaucoup de gens qui entrent dans la conscience supramentale, semblent parler avec savoir, semblent dire des choses qui conviennent à l'intelligence, mais demeurent du matériel qui fait partie de l'impression qu'ils ont de savoir. Et ceci devient extrêmement délicat avec le temps. Un homme qui a l'impression de savoir peut avoir très bien l'impression de savoir. Et effectivement, il a l'impression de savoir. Et c'est justement l'impression de savoir qu'il a qui fait en sorte que ce qu'il dit est une impression de savoir. De sorte que vous pouvez dire quelque chose à une personne aujourd'hui, et la personne, selon votre taux vibratoire, va recevoir l'impression de votre savoir. Et demain, devra se réviser, et vous aussi. Le savoir, c'est une chose qui ne doit jamais être altérée. L'homme qui est dans le savoir, qui est dans l'intelligence, ne peut pas reviser sa position après 2 ans, 3 ans, 10 ans ou 15 ans. Si et tant et autant que l'homme sera obligé de reviser sa position dans son savoir, il sera à l'intérieur de l'impression de savoir, et s'il parle à l'homme, il doit savoir que ce qu'il dit à l'homme est une manifestation de son impression de savoir, et l'homme reçoit une impression de son savoir. Mais lorsque l'homme est dans le savoir, il n'a pas l'impression de savoir. Et comme il n'a pas l'impression de savoir, il ne crée pas l'impression à l'homme de son savoir. Il impose à l'homme son savoir. Ah, il y a une différence. Un homme qui est dans le savoir impose à l'homme son savoir. Il ne crée pas une impression de son savoir. Et comme il impose à l'homme son savoir, à ce moment-là, il transmute son esprit et aide l'évolution de l'homme. Et ceci est une grande réflexion sur la différence entre l'impression de savoir que l'on peut avoir lorsqu'on est intelligent et la réalisation de savoir que l'on sait lorsque l'on est dans l'intelligence. Et ce sont deux aspects très différents, un servant de marchepied à l'évolution de celui qui parle et qui a l'impression de savoir, et qui l'amène petit à petit au cours des années, après 5 ans, 10 ans, 15 ans, à réaliser que ce qu'il savait ou ce dont il avait l'impression de savoir il y a 10 ans, aujourd'hui a été modifié quelque peu parce que son impression de savoir a été transmutée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'émotivité, il n'y a plus d'ego dans le courant d'énergie qui lie l'énergie de l'intelligence à son esprit. C'est pourquoi l'homme, dans ce mélimélo, dans cette transformation, dans ce mouvement de son esprit, doit apprendre petit à petit à ne pas dévoiler trop de ce qu'il sait, parce que beaucoup de choses, beaucoup de ce qu'il sait temporairement, tant qu'il est encore dans l'impression du savoir, conviennent au temps psychologique de sa conscience présente, mais ne conviendra pas demain. De sorte que si vous faites des cassettes aujourd'hui et que vous réécoutez les cassettes dans 5 ans, vous devriez être capable dans 5 ans de voir que les cassettes que vous avez dites dans ce temps-là sont les mêmes que vous diriez aujourd'hui, que vous pouvez continuer dessus. Mais si vous êtes obligé de reviser le matériel, à ce moment-là, vous étiez dans l'impression de savoir. C'est pourquoi il est très important pour l'homme de ne pas dévoiler sa personne. Parce que lorsque l'on se dévoile soi-même, on donne à l'autre une impression de ce que l'on est. Et c'est une impression qui n'est pas totale. Et lorsque l'homme est total, lorsque l'homme n'est plus affecté par sa dimension humaine, à ce moment-là, il peut donner à l'autre, dévoiler à l'autre ce qu'il veut. Il crée un dévoilement, il ne manifeste pas simplement un dévoilement à cause de ses émotions. Il crée un dévoilement. Et il peut créer le dévoilement qu'il veut parce qu'il a le pouvoir d'être ce qu'il dévoile. Ça fait partie de sa conscience. Trop de gens ont la mauvaise habitude de rechercher dans l'autre les autres, que l'autre les aime, que l'autre les respecte, que l'autre les voit d'un bon œil, et ainsi de suite. Et ceci fait partie de la conscience inférieure de l'homme, ça fait partie de l'insécurité psychologique de l'homme. Et un jour, l'homme doit être suffisamment dans son intelligence pour ne pas avoir besoin de ceci pour bien vivre dans son état d'esprit. Son état d'esprit doit être le produit instantanément d'une intelligence qui s'impose, qui se superimpose sur son esprit et qui crée la personnalité dont lui a de besoin pour bien vivre. Alors, il ne faut pas que cette conscience, qui est une habitude chez l'homme, continue trop longtemps pendant la période de transition, parce qu'à un certain moment, l'homme perdra énormément d'énergie. Et l'homme doit conserver son énergie parce que l'énergie de l'homme est une valeur psychique qui fait partie de son psychisme éventuel. Et si l'homme perd trop d'énergie, automatiquement, il retarde l'évolution de son psychisme. Et le psychisme de l'homme, c'est beaucoup plus réel, c'est beaucoup plus présent, c'est beaucoup plus près de l'homme que sa psychologie. les gens se dévoilent, l'homme se dévoile à l'homme parce que il voit toujours dans son dévoilement un intérêt quelconque. Et l'homme qui se dévoile perd son intérêt. Il n'en crée pas un. Et c'est l'absence d'intelligence réelle dans l'homme qui produit ceci. C'est l'imperfection de la fusion entre l'esprit universel et l'esprit de l'homme qui produit ceci. C'est très difficile pour un homme qui n'est pas conscient de s'imaginer dans son esprit qu'il n'a pas besoin de l'homme. Parce que pour réaliser dans son esprit qu'on n'a pas besoin de l'homme, il faut, dans son esprit, être libre de l'esprit de l'homme. Si on est libre de l'esprit de l'homme, à ce moment-là, on réalise qu'on n'a pas besoin de l'homme. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de l'homme pour vivre sur le plan matériel, mais ça veut dire qu'on n'a pas besoin de l'homme en esprit, puisqu'on a notre propre esprit. C'est au niveau de la valeur de l'esprit que je parle, ce n'est pas au niveau de la valeur psychologique des relations entre l'homme et l'homme. Et je sais très bien qu'un homme qui est dans son esprit, qui serait à un certain moment de sa vie flanqué quelque part sur le globe, dans une condition totalement nue, totalement non civilisée, serait capable de survivre et de continuer à vivre, parce qu'il serait dans son esprit, c'est-à-dire qu'il serait dans son intelligence, c'est-à-dire qu'il aurait accès à son intelligence, automatiquement accès à son psychisme, et automatiquement accès à contrôler les vibrations de l'éther, ainsi de suite. Il pourrait reformer par lui-même une condition de vie qui serait égale à lui-même. Alors, tout cet aspect fait partie de la réalisation chez l'homme qui se conscientise qu'un jour il doit être capable de vivre sans se dévoiler à l'homme. Ça semble peut-être abstrait ce que je vous dis parce que c'est effectivement abstrait, mais c'est extrêmement important. Parce que lorsque vous aurez appris à ne pas vous dévoiler à l'homme, vous aurez appris deux choses. D'abord, vous aurez appris que vous n'êtes pas aussi faible que vous vous imaginez. Et deuxièmement, que vous êtes plus fort que vous pensez. Lorsque vous aurez appris que vous n'êtes pas aussi faible que vous vous imaginez, vous aurez appris que vous n'êtes pas autant, en dehors de votre intelligence que vous pensez. Et lorsque vous aurez réalisé que vous êtes plus fort que vous pensez, vous aurez réalisé qu'il y a en vous une intelligence créative qui peut très facilement subordonner vos émotions à votre intelligence. Mais il faut que l'homme puisse, pour réaliser ceci, vivre l'isolation intérieure, c'est-à-dire vivre en relation avec l'homme de telle façon qu'il n'ait pas besoin de l'homme psychologiquement. Et aujourd'hui, dans la société moderne, on crée des conditions au large où l'homme a de plus en plus besoin de l'homme psychologiquement. 12 012. Moi, je le fais le don. Hein? Comment ça va? Tout le monde le fait le don. Alors, ça fait partie de la conscience sociale. Et il y a des gens qui, s'ils ne le font pas, se sentent mal. Parce qu'ils disent, mais tout le monde le fait, pourquoi moi je ne le fais pas? Alors, les gens ne peuvent pas s'excluer de la société. Ils veulent s'inclure dans la société parce qu'on est beaucoup plus confortable quand on s'inclut. Remarquez et rappelez-vous quand vous étiez jeune et que vous alliez dans des parties et que ça ne fonctionnait pas dans le party. Vous n'étiez pas le centre du party. Vous étiez dans votre coin seul. Ça ne fonctionnait pas. La fille, ça ne fonctionnait pas. Le garçon, ça ne fonctionnait pas. Et les autres, eux autres, ils s'amusaient. C'est dur sur l'ego. Quand on est inconscient, on me dit que c'est normal de ne pas pouvoir bénéficier de ce que l'on ne sait pas. Mais quand on commence à savoir quelque chose, c'est très normal de pouvoir bénéficier de ce que l'on sait. Et les hommes doivent apprendre au cours des siècles, des générations, à bénéficier de ce qu'ils savent. Et pour qu'un homme bénéficie de ce qu'il sait, il faut qu'il puisse supporter le poids psychologique de ce qu'il sait. Et le poids psychologique de ce qu'un homme sait, intérieurement, lorsqu'il est dans son intelligence, ne peut pas être contrebalancé par ce qu'il peut dévoiler à l'homme dans la société pour des raisons émotives ou des raisons d'insécurité psychologique. C'est normal. C'est normal. Alors, les hommes devront apprendre au cours des générations à conserver dans leur intelligence ce qui convient seulement à l'intelligence entre les hommes. Ils ne pourront plus éventuellement se permettre, ils ne seront plus capables, d'ailleurs parce que les changements vibratoires auront été trop accentués, les hommes ne seront plus capables de converser avec les hommes d'une façon égalitaire, c'est-à-dire d'une façon qui convient à l'esprit de l'homme. Ils seront obligés de converser avec l'homme, s'ils le veulent, d'une façon qui convient à leur esprit sur l'esprit de l'homme. Grande différence. Et à ce moment-là, ce qu'ils diront à l'homme fera partie de ce qu'ils veulent dévoiler à l'homme et non pas partie d'un dévoilement émotif provenant d'une ou issu d'une conscience psychologique inférieure qui est minée par l'émotivité ou l'insécurité intellectuelle. Même si ce matériel peut sembler banal à certains, je vous assure que ce matériel, demain, fera partie d'un centre de gravité dans votre intelligence qui deviendra le point central de toute votre activité psychique. Parce que autant l'homme dans l'inconscience vit à l'extérieur de son esprit, vit en fonction de l'esprit des hommes, autant lorsqu'il est conscient, il vit à l'intérieur de son esprit et ne vit plus en fonction de l'esprit des hommes. De sorte que vient un moment dans sa vie où il n'est plus intéressé à dévoiler ce qu'il a appris à l'intérieur de son esprit. Autrement dit, ce qu'il a appris dans les convocations télépathiques entre lui-même et l'intelligence. Parce qu'il sait trop de choses qui ne peuvent pas, qui ne valent pas la peine d'être expliquées, à moins qu'elles soient expliquées à d'autres personnes qui sont sur une longueur d'onde qui conviennent à la sienne et qui peuvent instantanément comprendre l'aspect de ce qu'ils ont appris ou de ce qu'ils savent. L'homme n'est pas sur le plan matériel pour convenir avec l'homme. L'homme a convenu avec l'homme pendant des siècles pour créer, pour que s'établisse sur le globe une civilisation matérielle. Mais l'homme n'est pas un être qui doit éventuellement convenir avec l'homme. L'homme est un être qui doit éventuellement créer. Alors, qu'il crée sur le plan matériel avec le pouvoir de la parole, c'est une dimension. Demain, il créera sur un autre plan, en fonction d'autres pouvoirs psychiques qui font partie de sa conscience, et c'est une continuité. Mais il faut que l'homme apprenne, petit à petit, à condenser ce qu'il est, à le condenser et à vivre avec ce qu'il est, sans être obligé toujours de l'expliquer à l'homme, pour avoir une confirmation, pour avoir un rebondissement permettant à son ego de juger de la véracité, de la correctitude, de la notion, et ainsi de suite. Il faut que l'homme apprenne au cours des générations à se fier non pas au jugement des hommes, mais à se fier au rapport entre son intelligence et l'intelligence qui est en communication avec lui. Parce que l'homme demain découvrira qu'est-ce que c'est cette intelligence, qu'est-ce que c'est cet ajusteur de pensée. Et lorsque l'homme découvrira qu'est-ce que c'est un ajusteur de pensée, qu'est-ce qu'on veut dire par... qu'est-ce que c'est ce phénomène de l'ajusteur de pensée? Il sera surpris de réaliser que cet ajusteur de pensée, que l'ajusteur de pensée, est une portion de lui-même, et non simplement une portion qui est à l'extérieur de lui-même. Mais c'est effectivement une portion de lui-même. Alors, si c'est une portion de lui-même, avec qui doit-il le plus converser? Avec qui doit-il le plus être en relation d'esprit? C'est avec cette partie de lui-même. Mais cette partie de lui-même est tellement perfectionnée que que s'il commence à se dévoiler à l'homme, il ne pourra pas y avoir d'équilibre entre cette partie de lui-même qui sait ce que lui doit savoir et ce qu'il rapporte à l'homme pour des raisons d'émotivité psychologique. Moi, si je disais tout ce qui me passe par la tête, tout ce qui convient à mon esprit, je dirais des choses qui passeraient par-dessus la tête du monde et je perdrais de l'énergie à dire ces choses. Ce serait une perte de temps. Alors, l'ego, l'homme, doit être suffisamment près de son intelligence pour pouvoir retenir ce qui fait partie de son intelligence. Ils n'ont pas toujours l'amener à l'extérieur de lui-même pour qu'il vive une certaine confirmation. L'idée qu'on peut se faire de l'homme, l'idée qu'on peut se faire des autres quand on leur parle, c'est une idée qui n'est aucunement réelle. Alors, l'idée que les autres se font de vous, c'est la même chose. Aucune personne ne peut se faire une idée de vous, et vous ne pouvez jamais vous faire une idée d'une autre personne. De sorte que si une personne vous projette quelque chose, se dévoile à vous, ce qu'elle dévoile vers vous va simplement devenir une structure psychologique, un alibi psychologique, que vous vous servirez pour l'atteindre, cette personne-là. Et vous pourrez peut-être l'atteindre à cause de son émotivité qui a été le facteur qui lui a permis de se dévoiler. Mais vous n'atteindrez jamais son être réel. Alors, ce que vous atteindrez dans cette personne, c'est la faiblesse. Une personne qui exploite une autre personne parce qu'elle est faible, parce qu'elle se dévoile à lui, il va pouvoir se servir de cette personne. Il va pouvoir l'enticher, cette personne, mais elle découvrira jamais le réel de cette personne. Alors, ni celui qui se dévoile, ni celui à qui on dévoile, ne peut bénéficier du dévoilement de la personne. Un être humain doit être totalement opaque. Totalement opaque. Regardez vos conversations avec l'invisible, regardez vos conversations avec les intelligences. Qu'est-ce qui se produit quand vous voulez leur demander des secrets ou des questions, ou vous voulez entrer dans le secret des choses, qui convient beaucoup plus à une sorte de projection anthropomorphique de votre conscience que de leur réalité. Ils vous disent, c'est pas important, demain. C'est la même chose avec l'homme. C'est exactement la même chose avec l'homme. C'est exactement la même chose entre deux hommes. Il y a quelqu'un la semaine passée qui m'a dit que je ressemblais à Bernard de Montréal. J'ai dit oui, je lui ressemble. Alors, je m'empêche de perdre de l'énergie. Pourquoi je perdrais de l'énergie? Pour me dévoiler. Je ressemble. C'est vrai. J'ai même déjà dit que j'étais jamais allé à ces conférences, mais je l'avais vu à la télévision. C'est vrai. Je ne fais pas mes conférences, mais je peux me voir à la télé. Et c'est sorti vite quand j'ai dit ça. J'ai dit, je ne l'ai jamais vu à les conférences, mais je l'ai vu à la télévision. J'ai trouvé ça intéressant. Et le mécanisme dans le phénomène de se dévoiler provient du manque d'importance que nous nous donnons. Et je veux attaquer cet aspect. Un homme qui est dans l'intelligence doit être capable de réaliser l'importance de son intelligence, non pas de lui-même, mais de son intelligence. Et quand je dis l'importance de son intelligence, je veux dire le réel de son intelligence. Quand je dis le réel de l'intelligence, je dis l'importance de l'intelligence, de ce qu'elle est manifestée. Un homme qui est dans l'intelligence réalise l'importance, c'est-à-dire l'importance qu'il donne à sa réalité intelligente. Alors, si un homme peut donner de l'importance à sa réalité intelligente, il ne peut pas perdre de l'importance en se dévoilant à d'autres, lorsqu'il sait qu'ils ne pourront pas comprendre sa réalité intelligente parce qu'ils ne sont pas sur la longueur d'onde pour la comprendre. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est subtil, mais c'est... Alors, ils disent que il faut que l'homme nouveau en arrive à réaliser l'importance de son intelligence. Et lorsqu'il aura réalisé l'importance de son intelligence, il comprendra l'importance de sa relation entre lui et son intelligence. Et il ne conviendra plus de l'importance entre lui et les hommes. C'est sa relation entre lui et son intelligence qui prendra de l'importance, et automatiquement, parce que cette relation prendra de l'importance, il aura conscience de ne pas perdre son temps à se dévoiler, ou à dévoiler ce rapport avec lui-même, ou le haut lui-même, ou l'autre aspect de lui-même. Mais lorsque l'homme n'est pas conscient de son intelligence, lorsqu'un homme n'a pas réalisé l'importance de son intelligence, lorsqu'un homme n'a pas réalisé le réel de son intelligence, il ne fonctionne que par la valeur sociologique, sociale, relative de la psychologie de son intelligence. Et automatiquement, il va chercher à dévoiler son intelligence pour faire connaître à l'autre son intelligence, le niveau de son intelligence, pour que lui puisse, par rebondissement, avoir une mesure quelconque dans la vue de l'autre de ce qu'il est. C'est comme ça que fonctionnent les intellectuels. Ils parlent. Pourquoi ils parlent? Pourquoi ils discutent? Pourquoi ils font de la philosophie? Pour toujours mesurer le niveau de leur intelligence. Ils cessent simplement de parler lorsqu'ils rencontrent une autre intelligence qui les met dans le coin. Et là, à ce moment-là, ils vont lire plus de livres pour pouvoir encore parler plus. Et dans le domaine culturel, on dit souvent, il faut être à jour. On se met à jour. On se recycle. Il y a une course au théâtre à New York, sur Broadway. Les gens qui ont moindrement, parce que ça coûte très cher aller au théâtre là-bas, les gens qui sont moindrement huppés, qui ont moindrement le fric, ils vont à Broadway, toutes les semaines. Hein. Il y en a qui font ça 5 jours par semaine. Ils travaillent le jour, le soir, ils sont au courant de tout ce qui se passe sur Broadway. Alors, quand ils sont ensemble, dans une situation de convivialité, ils discutent le théâtre. Ça leur donne un plateau pour se faire valoir au niveau de leur intelligence, de leur savoir social, culturel. Et s'ils ont malheur de manquer une pièce, ils sont foutus. C'est la même chose chez les jeunes avec la nouvelle musique. Les jeunes se tiennent au courant de tout ce qui se passe dans le monde de cette musique. Si vous avez le malheur de dire « T'as pas écouté ça? » Le type va se l'acheter le lendemain. Et ça, ça fait partie du même mécanisme du dévoilement. Mais ce sont l'inverse. Ce sont les autres qui nous dévoilent à nous autres qu'on n'est pas atteint dans le mouvement social des choses. Alors, l'homme qui se dévoile perd de l'énergie. Et l'homme qui se dévoile souffre du fait qu'il n'est pas centrique. Autrement dit, il souffre de ne pas être à point dans le monde de l'intelligence, dans le monde des valeurs intellectuelles. Ça va des deux côtés. C'est pour ça que les égos sont malheureux. C'est pour ça que les gens ont des complexes d'infériorité. Le complexe d'infériorité est directement lié au fait qu'on est obligé de se dévoiler. Un homme qui serait capable de ne pas se dévoiler serait automatiquement dans son intelligence, il ne pourrait jamais avoir de complexe d'infériorité, parce qu'il n'aurait pas besoin de se dévoiler pour se mesurer. Les gens se dévoilent pour se mesurer. C'est pour se mesurer qu'on se dévoile. Et si on ne se dévoile pas, c'est parce qu'il y a des mécanismes en nous qui nous empêchent de nous dévoiler. La gêne, toutes sortes de mécanismes. Et à ce moment-là, on souffre, mais intérieurement, au lieu de souffrir psychologiquement à l'extérieur, on souffre intérieurement. C'est interne. Thank you. Il y a des gens qui voudraient se dévoiler. Ils aimeraient parler, se dévoiler. Ils sont pas capables. Ils sont bloqués. C'est la même chose. C'est ignoble. C'est ignoble. C'est effarant l'insécurité de l'ego. C'est effarant l'insécurité de l'ego. Et c'est tellement effarant qu'il y a une équation. Il y a une équation. Là où l'ego ne sent pas d'insécurité, proportionnellement, là, il y a plus d'intelligence. Je ne dis pas qu'elle est parfaite, cette intelligence. Mais je dis là où il y a insécurité dans l'ego, là où il y a un manque d'intelligence. Moins il y a d'insécurité dans l'ego, plus il y a d'intelligence. C'est une équation relative, mais qui est réelle. Et regardez les hommes d'affaires, les hommes qui ont brassé des grosses choses. Et il y a une sécurité dans l'ego, une sorte de sécurité dans l'ego. Parce qu'il y a toujours de l'insécurité dans l'ego. Il s'agit simplement de rencontrer un autre ego qui nous met à terre. Mais je veux dire, il y a une sorte de sécurité et il y a de l'intelligence. C'est proportionnel. Parce que l'intelligence dans l'homme, je parle de l'homme inconscient, l'intelligence dans l'homme lui donne de la sécurité. Mais lorsque l'homme passe à l'étape de l'intelligence réelle, à ce moment-là, c'est une autre sorte de sécurité. Ce n'est pas la même sécurité qu'il avait avant. Ce n'est pas la sécurité intellectuelle. C'est la sécurité qui vient avec la réalisation d'être dans l'intelligence réelle. Et ça, c'est une autre sécurité. Ce n'est pas une sécurité psychologique. C'est un pouvoir vibratoire de l'esprit universel sur l'esprit de l'homme. La sécurité de l'homme de la sixième race, c'est la relation, c'est le résultat du pouvoir vibratoire de l'esprit universel sur son esprit. Ce n'est pas le résultat d'un équilibre quelconque, d'une psychologie personnelle. Un homme qui est dans la relation de ce pouvoir d'esprit à esprit ne peut pas être insécure à aucun niveau. C'est impossible. Parce qu'il a perdu la faculté de penser qu'il a une valeur quelconque. Il réalise constamment, d'une façon permanente, que sa valeur, c'est son intelligence. C'est l'intelligence en lui. C'est l'intelligence qui coule. C'est la relation entre son esprit et l'intelligence universelle. Et c'est la seule sécurité réelle, et c'est cette sécurité et ce réel qui a mené pendant des siècles les philosophes à rechercher la pierre philosophale. C'est ça la pierre philosophale. La pierre philosophale, c'est la rencontre entre l'esprit universel et l'esprit de l'homme. C'est un point d'appui universel pour l'homme, et c'est un point d'appui universel pour l'esprit universel. Et quand je dis que c'est un point d'appui, je dis que c'est un point d'appui. C'est un point d'appui qu'on ne peut pas réaliser aujourd'hui parce qu'on est dans la matière, mais c'est lorsque l'homme est dans l'éthérique qu'il réalise que, effectivement, c'est le point d'appui. C'est le point de rencontre entre deux forces, deux niveaux de vibration. Et ce point de rencontre-là, il est fixe, il est inébranlable. Alors, lorsqu'il est manifesté, ce point d'appui dans la conscience humaine, vous avez un homme qui est dans son intelligence, qui est sécure et qui ne se dévoile pas. Qui dévoile ce qu'il veut et non pas ce qu'il peut. La psychologie de l'homme est beaucoup trop complexe pour l'homme, beaucoup trop compliquée pour l'homme pour qu'il puisse l'analyser. Elle est beaucoup trop compliquée pour l'homme pour qu'il puisse la comprendre d'une façon qui convienne à son intelligence. Il va la comprendre selon un moyen ou des moyens qui conviennent à sa psychologie. On appelle ça de l'analyse. Mais il faut que l'homme puisse comprendre son intelligence. Que l'homme puisse réaliser son intelligence. Et lorsqu'il sera dans son intelligence, qu'il réalisera son intelligence, il n'aura plus besoin de psychologie. L'homme n'a pas besoin de psychologie. Il est psychologie. C'est-à-dire qu'il est manifestation de l'intelligence dans le monde de l'homme. Et ceci devient de la psychologie. L'homme n'a pas besoin de psychologie. Et aussitôt que l'homme fait le faux pas, et tous les hommes le font, de se trouver une psychologie, de se rassurer dans une psychologie quelconque, il est forcé de se dévoiler à l'homme. L'homme n'a pas besoin de psychologie. Il en crée. Qu'est-ce que c'est de la psychologie? C'est la capacité de créer des impressions. C'est ça la psychologie. Plus vous êtes capable de créer des impressions, plus vous avez de la psychologie. Plus vous êtes assujetti aux impressions créées par les autres, moins vous avez de psychologie, plus vous êtes prisonnier de la psychologie sociale. Et ça, c'est la situation de tous les hommes. Plus les hommes sont affectés par les impressions mécaniques créées par la psychologie des autres sur eux, ils deviennent assujettis. Et c'est pourquoi les hommes ne sont pas capables de se découvrir eux-mêmes, que les hommes ne sont pas capables de se comprendre eux-mêmes. Pour qu'un homme se comprenne lui-même, il doit avoir aucune psychologie. Il doit avoir simplement de l'intelligence qui crée de l'impression, des impressions, dans sa relation avec les hommes. À ce moment-là, il crée des impressions, mais lui n'a aucune psychologie. Il est manifestation de l'intelligence à travers des impressions qui sont des formes, qui devient une forme de psychologie pour les autres. Mais lui n'a pas besoin de psychologie. Et c'est ça la psychologie de la conscience supplémentaire. La psychologie de la conscience supplémentaire, ce n'est pas une psychologie pour soi, c'est une psychologie de choses pour les autres. C'est probablement une des plus grandes définitions du renversement de la psychologie. La psychologie supplémentaire, c'est une psychologie pour les autres. Si jamais quelqu'un vous demande qu'est-ce que c'est la psychologie supplémentaire, vous dites c'est une psychologie pour les autres. Ils ne comprendront rien. Alors, à ce moment-là, ils vous demanderont, mais pourquoi tu t'intéresses à cette psychologie? Vous direz, je ne m'y intéresse pas. Alors, ils vous diront, pourquoi est-ce que tu parles dans le cadre de cette psychologie? Vous direz, c'est pour que tu la comprennes. C'est toujours pour les autres. C'est impossible que la psychologie supplémentaire soit pour soi-même. Impossible. Parce que pour qu'une psychologie soit pour soi-même, il faut qu'elle soit réflexive. La psychologie supplémentaire n'est pas réflexive, elle est créative. Qu'est-ce qu'un homme conscient a besoin de psychologie? Il n'a pas besoin de psychologie, il la crée. Autrement dit, il crée des impressions pour qu'il s'établisse entre lui et les hommes des relations dont il a de besoin. Mais il n'a pas besoin, lui, de vivre des impressions que créent les hommes sur son esprit. Il n'est pas capable, il n'est pas affecté. Ils disent que si vous comprenez ceci, que la psychologie supplémentaire, c'est une psychologie pour les autres, vous comprendrez quelque chose. Est-ce qu'il y en a qui comprennent ça? C'est une psychologie pour les autres, une psychologie supplémentaire. La psychologie subjective, c'est une psychologie pour soi-même, qui fait partie de soi-même, qui fait partie de notre manque d'intelligence. Autrement dit, qui fait partie de notre appartenance à une intelligence qui n'est pas réelle, c'est-à-dire le monde de la pensée. C'est ça qui crée la psychologie subjective. Et c'est de cette psychologie que dont tous les hommes souffrent. Tous les gens souffrent dans leur psychologie. La preuve, tous les hommes ont, à un certain niveau, une sorte d'insécurité dans l'ego. Ça fait partie de leur psychologie. La seule force qui peut détruire ceci, c'est l'intelligence dans l'homme, l'intelligence universelle sur l'esprit de l'homme, le contact, la télépathie, le mouvement interne, c'est ceci qui peut détruire cela. C'est pourquoi pour l'homme d'apprendre éventuellement à ne pas pouvoir, ne pas devoir se dévoiler à l'homme, c'est extrêmement important parce que c'est un des mécanismes qui va enlever à l'homme subjectivement la capacité de se créer une règle de mesure extérieure à lui-même pour avoir une mesure de lui-même. L'homme se trompe, l'homme se fait mal lorsque il se dévoile à l'homme parce que ce qu'il dévoile n'est pas réel. Ce n'est qu'une mesure de ce qu'il vit, de ce qu'il est aujourd'hui temporairement. Et ceci, ce n'est pas sa réalité. Ce n'est pas sa réalité. On a l'impression, nous les hommes, qu'on est obligé de se démontrer devant les autres comme étant ceci ou cela pour avoir la faveur des autres. Mais cette Cette illusion que nous avons provient du fait que nous ne sommes pas capables de supporter notre isolation intelligente. Nous ne sommes pas capables de vivre dans l'isolation de notre propre intelligence parce que nous ne sommes pas habitués à de l'intelligence. Nous sommes habitués à de l'intellect, mais nous ne sommes pas habitués à de l'intelligence. Nous ne sommes pas habitués à la condition de vie imposée par l'intelligence. Nous ne sommes pas habitués à la condition de vie que l'intelligence nous fait vivre. Nous ne sommes pas habitués. Et aussitôt qu'on vit plus ou moins inconsciemment à l'intérieur de soi-même, on devient excentrique. Les gens qui sont excentriques sont des gens qui vivent plus ou moins à l'intérieur d'eux-mêmes, mais ils n'ont pas encore la conscience pure, alors automatiquement ils deviennent excentriques. Mais ils ont quand même la capacité de maintenir une sorte d'identité, une sorte de rapport entre eux et eux-mêmes sur un autre plan qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne savent pas, qui existe. Alors, ils sont des êtres qui souffrent une certaine sensibilité. Les excentriques sont tous des gens qui ont une certaine sensibilité. Ils souffrent de cette sensibilité. Mais l'homme ne doit pas s'ouvrir de sa sensibilité. L'homme doit se servir de sa sensibilité. Il doit bénéficier de sa sensibilité, ne jamais souffrir de sa sensibilité. Les gens prennent la sensibilité comme étant une vertu. Ce n'est pas une vertu, c'est une faiblesse. Sensibilité, ce n'est pas une vertu. C'est une faiblesse de l'homme. C'est l'astral qui est débalancé chez l'homme. C'est la conscience astrale qui est trop présente dans l'homme. C'est un manque d'intelligence. Et les gens qui se conscientisent aujourd'hui sont très sensibles. Heureusement qu'ils sont sensibles, parce que s'ils n'étaient pas sensibles, ils ne seraient pas amenés à la conscience. Mais cette sensibilité, éventuellement, il faut qu'elle soit mise en échec. Il faut qu'elle soit mise en échec, cette sensibilité. C'est très mauvais, la sensibilité. Et si ça va trop loin, ça devient de la sensiblerie. On dirait que l'homme est un être qui doit être totalement recousu. Il doit être décousu et il doit être recousu. Recousu. Il doit être totalement décousu et recousu. Et tant qu'il n'est pas totalement décousu, l'homme, il n'est jamais parfaitement orienté. L'homme, c'est comme... L'homme qui se conscientise doit être comme un radar. Alors, l'antenne, elle doit pointer dans cette direction, et tant qu'elle ne pointe pas dans cette direction, c'est qu'il y a des mécanismes qui l'empêchent de pointer dans cette direction. Un homme qui se conscientise pointe dans cette direction. Il ne peut pas ne pas pointer dans cette direction. Il est obligé d'aller... Alors, tout ce qui l'empêche doit être décousu pour qu'il pointe dans cette direction. C'est pour ça que les hommes souffrent des interférences de la conscience pour l'amener dans cette direction. Quand l'homme sera dans cette direction, il n'y a plus d'interférence dans sa vie. Il est bien. Mais tant qu'il n'est pas dans cette direction, il sera décousu par la conscience, par l'intelligence. Si l'homme se dévoile dans la vie, il fait deux choses. Il empêche que son intelligence prenne contrôle de son esprit. Et ça, c'est grave. Un homme qui se dévoile empêche que l'intelligence en lui prenne contrôle de son esprit, c'est-à-dire que son esprit devienne intelligent. Et deuxièmement, il empêche que son esprit prenne contrôle de son intelligence. Alors, il y a deux aspects. Parce que l'esprit de l'homme doit prendre contrôle de l'intelligence, de la même façon que l'intelligence prend contrôle de l'esprit de l'homme. Le premier mouvement, c'est la prise de contrôle de l'intelligence sur l'esprit de l'homme. Ce que vous vivez aujourd'hui, c'est ceci. Aujourd'hui, plus vous avancez dans l'état où vous êtes, dans l'état de transition, l'intelligence, la vibration, prend contrôle de votre intelligence. La preuve, c'est que vous perdez petit à petit de la mémoire. Mais un jour, votre esprit doit prendre contrôle de l'intelligence. Il y a deux mouvements dans la fusion de l'homme. Le mouvement de haut en bas et le mouvement de bas en haut. Et le deuxième mouvement vient ensuite, la prise de contrôle de votre esprit, de l'intelligence, viendra après que l'intelligence aura bien pris contrôle de votre esprit. C'est à partir de ce moment-là que vous cesserez de vous dévoiler aux hommes. Parce que tant que l'homme se dévoile, c'est qu'il subit la descente de l'énergie de l'intelligence sur son esprit. Et la descente, elle est tellement forte qu'il n'est pas capable de ne pas se dévoiler. Mais là, s'il a suffisamment subi, qu'il a suffisamment été aguerri, qu'il a suffisamment souffert de cette descente de l'énergie de l'intelligence sur son esprit, il dit à l'homme ce qu'il veut bien dire. Ce qu'il veut bien dire. Parce qu'il sait très bien que s'il dit telle chose ou telle chose qui ne convient pas à l'esprit de l'homme, il perdra de l'énergie, il créera une situation quelconque, et l'homme conscient ne veut pas souffrir. Se dévoiler nous amène toujours à une certaine souffrance. Et l'homme conscient ne veut pas souffrir. Et comme il est conscient, il est centrique, comme il est centrique, il n'est pas obligé de s'expliquer aux autres. Il n'est pas intéressé à s'expliquer aux autres. Il n'a aucun intérêt à s'expliquer aux autres parce qu'il ne vit pas des autres. Comme je disais auparavant, l'homme conscient n'a pas besoin de l'homme. Il n'a pas besoin de l'esprit de l'homme. Et c'est très subtil, ceci, de réaliser que l'homme doit en arriver un jour à ne pas avoir besoin de l'esprit de l'homme. Et quand on n'a plus besoin de l'esprit de l'homme, on est bien dans notre propre esprit. On ne se dévoile plus à personne. Mais les gens sont tellement assoiffés de connaissances, veulent tellement vérifier ce qu'ils savent, ce qu'ils sentent, ce qu'ils pressentent, qu'ils vont à l'esprit de l'homme pour avoir une sorte de confirmation. Et ceci n'est pas bon parce que ils sont obligés d'absorber une condition de l'esprit de l'homme que j'appelle une opinion. Et un homme ne peut pas vivre de l'opinion d'un homme. Un homme ne peut pas vivre de l'opinion d'un homme. Un homme vit de son intelligence, jamais de l'opinion d'un homme. Il peut écouter l'opinion d'un homme, mais ne jamais vivre de cette opinion. S'il vit de l'opinion d'une personne, il se nourrit d'une nourriture qui ne convient pas nécessairement à son esprit, qui convient à l'esprit de l'homme avec lequel il part, mais qui ne convient pas à son esprit à lui. Et on a la mauvaise et la maudite habitude de vivre de l'opinion des autres. Échanger avec quelqu'un pour qu'un homme, moi je le fais souvent, je vais dire à quelqu'un, d'ailleurs je l'ai fait cette semaine, il y a quelqu'un qui est venu chez moi et je dis, j'ai besoin de ton opinion. Mais je créais une impression sur son esprit, autrement dit, je le mettais dans une sorte de lien d'amitié avec ma personne, c'est pour ça, c'est pourquoi je l'ai fait. Je lui ai demandé son opinion sur telle chose. Alors il m'a donné son opinion, et son opinion avait de l'intelligence, et avait aussi de l'erreur dans son intelligence. Alors, si j'avais pris son opinion, j'aurais foutu mon affaire en l'air. Mais lui, au moins, ça lui a fait plaisir. C'est comme ça qu'on crée de l'impression dans l'esprit de l'homme pour établir des liens avec l'homme. Parce que quand vous demandez à quelqu'un son opinion, ça lui fait plaisir. Ça fait partie de la chaleur humaine. Au lieu de toujours vivre dans votre tour d'ivoire, dans votre autonomie, si vous voulez parler avec les hommes, vous leur demandez leur opinion, ça fait chaud, ça fait plaisant à ces hommes-là. Mais ça ne veut pas dire que vous allez vivre de leur opinion. C'est simplement pour engager une conversation qui peut être correcte, qui peut être juste dans son jugement ou qui peut être erronée. Ça permet à la personne de s'exprimer vis-à-vis telle ou telle chose. Se dévoiler à une personne crée chez soi, crée chez celui qui le fait, une distraction dans son intelligence. C'est une distraction de notre intelligence qui fait qu'on se dévoile à une personne. C'est une distraction. Regardez-vous dans l'action, regardez-vous un jour quand vous vous dévoilerez une personne et vous verrez qu'il y a de l'émotivité dans votre situation. C'est une distraction de votre intelligence. Une personne qui se dévoile, comme je disais, est à l'extérieur de son intelligence. Elle est distraite de son intelligence. Et plus une personne a tendance à se dévoiler, plus elle est distraite dans son intelligence, plus le temps est long pour elle d'entrer dans son intelligence. Créer une impression dans une personne, c'est se servir de son intelligence, c'est le mouvement opposé. Dire ce que l'on veut dire, ça fait partie de notre intelligence. Mais se dévoiler, ça devient une distraction de notre intelligence. Se dévoiler empêche l'ego de réaliser qu'il est capable de ne pas se comprendre dans la façon dont il se dévoile. Autrement dit, se dévoiler permet à l'ego de se soucier de ce que l'autre pense de lui. Autrement dit, se dévoiler fait en sorte que l'ego qui se dévoile, en se souciant de ce que l'autre pense de lui, se donne lui l'impression que l'autre pense ceci de lui, lorsque en fait l'autre, il se produit quelque chose de totalement autre dans sa tête. Pensez-vous que les gens sont intéressés à vos histoires, à votre dévoilement? Regardez qu'est-ce qui se produit quand vous dites à une personne, « Ah, je me suis acheté une automobile neuve. » Vous dites, « Ah oui? » Il y a une maudite différence entre vous qui se dévoile et lui qui reçoit le dévoilement. Il y a 5000 piastres de différence. Dites à quelqu'un, « J'ai quelque chose pour toi. » Vous allez voir la différence. Je t'ai fait un petit cadeau. Quand l'homme se dévoile à l'homme, il donne à l'homme un peu de lui-même. C'est-à-dire qu'il donne à l'homme le flanc sensible de sa personne. Le flanc. C'est comme s'il disait à l'homme, un jour, tu pourras m'accrocher sur ce point sensible-là. C'est ça qu'il fait, là, quand il se dévoile à l'homme. Un homme qui se dévoile à un homme crée dans l'esprit de l'autre une impression qui va à l'encontre de ce que l'autre déjà pense de lui. La jalousie, c'est une insécurité, d'abord. Deuxièmement, c'est l'envers de la possession. Troisièmement, c'est dû au fait que l'âme manque d'expérience. Quatrièmement, c'est dû au fait que l'âme est incapable de se rassasier d'elle-même. Quand tu te rassasies de toi-même, quand tu es plein de toi-même, tu n'es pas jaloux. Si tu n'es pas plein de toi-même au niveau de l'âme, je parle, tu fais l'expérience au niveau de la personnalité de la jalousie. C'est une vibration de jalousie. Puis il y a des gens qui souffrent énormément de ça. Puis ils ne savent pas comment l'éliminer. Ça. Moi, je vais vous expliquer comment l'éliminer. Ça. Ils ne savent pas comment éliminer ça, cette affaire-là. Puis il y en a des gens qui se rendent extrêmement malheureux. Il n'y a qu'une façon d'éliminer la jalousie. C'est de réaliser à un point quelconque que on se fait mal à soi-même pour rien. C'est tout dans notre tête. Deuxièmement, si on a raison d'être jaloux, à ce moment-là, c'est parce qu'on n'a pas la volonté de briser la relation. C'est aussi simple que ça. Fait que si t'es un homme et une femme, ta femme a couraille, ton homme a couraille, ou si t'es un homme, puis il y en a un qui couraille, à ce moment-là, si tu souffres de jalousie, c'est parce que t'as pas la volonté de briser petit coureur, c'est parce que vous n'êtes pas bien ensemble. Fait qu'à ce moment-là, vous êtes, c'est parce que vous êtes pas capable, vous n'avez pas la volonté de briser la relation. Puis deuxièmement, c'est parce que vous n'êtes pas plein de vous-même. Puis il dit que c'est très mauvais, je le dis, parce que ça crée dans la personne qui la vit une insécurité grandissante, puis grandissante, puis grandissante, grandissante. Puis ça détruit toute sa joie de vivre. C'est un manque de discernement de l'ego, je le dis. Puis c'est subtil, l'ego. Parce qu'un ego qui sait que l'autre ego est jaloux, il va faire exprès. Parce que les gens en amour se taquinent. Ils s'aiment, ils se taquinent. Ils se font souffrir pour s'aimer plus. Les gens en amour. Fait que là, l'autre, il va arriver un petit peu tard le soir, puis il est content d'arriver un petit peu tard parce qu'il sait que l'autre à la maison va dire qu'est-ce que t'es allé faire? Où est-ce que t'étais à ce soir? L'autre, il va diminuer ça en amplifiant ça. Il va dire oh, je t'allais faire un petit tour. Je t'allais visiter une telle. Puis effectivement, il est rien qu'à aller visiter une telle. Mais le fait qu'il dit une telle, l'autre, t'as fait de l'overtime, t'as fait de l'overtime, t'as fait de l'overtime. Ça se capable. Fait qu'il dit, si vous êtes jaloux, il dit, apprenez à vous remplir de vous-même. Puis si vous avez une raison d'être jaloux, mettez-le. Créez un ultimatum. Décide-toi, Charlie. En vrai, non? Ouais. Mais ça prend la volonté. Parce qu'un être qui est avec un autre être et qui souffre de jalousie, c'est parce que lui, d'abord, est faible. Puis deuxièmement, parce qu'il manque de force. S'il avait la force, il ne souffrira pas de jalousie. Puis si tu manques de force, ben, tu es sujet à toutes sortes d'impunités de l'ego. Pas bon être jaloux. Parce que tu t'en fais pour rien. Quand t'es jaloux. Toi là, tu t'en fais pour rien. Mot qui c'est puissant, ça, mon cher. Moi, je me rappelle quand j'ai rencontré ma femme. Elle avait eu un chum avant de me rencontrer. C'est une tellier. Non, hier soir, j'ai dit pourquoi tu ne voulais pas faire un petit tour. Il était gentil pour toi. Il t'a acheté un beau petit cadeau de Noël. Fais un petit tour, va voir, vas-y, bonjour. Elle est allée de reculons. C'était pour détruire l'opposé de la jalousie. Qui est l'insécurité. Parce que ma femme n'a pas de jalousie. L'insécurité. Pour détruire l'insécurité, je l'ai envoyé. Puis des années plus tard, je l'ai envoyé parce que j'étais en initiation, enfin je ne pouvais pas sortir dans ce temps-là. Je savais qu'elle aimait ça pour aller sortir pour un souper, papa. J'ai fait rencontrer un gars absolument extraordinaire, un bel homme. Moi, j'ai donné un crapaud au bout de lui. Un beau six pieds, beau. Ben sidekick. Un grand bonhomme. D'ailleurs, un grand, grand nom. Puis, elle sortait, puis il y avait de bien d'argent. Fait qu'il nourrissait. Ils travaillaient ensemble, là. Puis, c'était bon pour elle. Ça la relaxait. Elle pouvait sortir, puis s'amuser un petit peu. Mais, elle savait où ce qu'on était. Elle était en dedans, elle avait de la sécurité. Puis, elle savait pas, elle savait que je ne l'envoyais pas parce que je ne l'aimais pas. Comment dire? Mm-hmm. Fait qu'elle pouvait être. Elle pouvait, avec lui, faire une expérience que moi, je ne pouvais pas lui donner parce que j'étais en initiation. Donc, je ne pouvais pas aller dans les restaurants, dans les grands restaurants. Ça ne m'intéressait pas. Mais elle avait besoin d'un break. Faut être fort en dedans. Quand tu es fort en dedans, tu es fort en dedans. Ça prend une confiance réciproque. Non. Non? Pas bon. Jamais. Jamais. Faut jamais de confiance réciproque. Il y a un échange. mais jamais de confiance. Ayez jamais confiance à un être humain, vous êtes dans la merde. Mais c'est un autre ça, c'est une des grandes erreurs de l'ego. C'est une autre forme? C'est un... Non. C'est non? Un... Non. C'est un épée de Damoclès. Quoi? L'épée de Damoclès. L'épée de Damoclès. Ouais. Parce que tu sais jamais si un jour cet être-là va te laisser. Ben non, on n'est pas au niveau de l'ego, là. Si vous êtes en conscience, vous n'aurez pas de problème, parce que les deux sont sur une longueur d'onde. Mais je parle des gens qui sont dans la vie, là. C'est la pire chose qu'un être peut faire pour lui-même. C'est d'avoir confiance d'un être. Puis d'ailleurs, c'est de là que vient la jalousie. Jamais avoir confiance à un être. Ça veut pas dire pas avoir confiance à un être, ça. Ça veut dire jamais avoir confiance d'un être. Mais quand des personnes ça marche pas, pourquoi avoir la jalousie? Pour Je comprends, mais je t'explique le problème dans la vie. Tu seras surpris comment il y a de personnes qui souffrent de jalousie. Bah, c'est la destruction complète. Surtout aujourd'hui. La destruction complète. Faut jamais avoir confiance dans un être. Jamais. Faut avoir confiance totale en soi-même. À ce moment-là, tu es capable de dealer avec n'importe quelle contingence, n'importe quelle situation. Il te laisse, il n'y a rien là. C'est ça. Il joue un tour, il n'y a rien là. Hé, avoir confiance en lui. C'est de vendre son âme, ça. À qui? Au diable. À ses sentiments. Bon, moi, je disais ça, là. Je ne me sens pas jaloux, là, d'accord? Comme est-ce que vous voulez? On ne peut pas posséder un autre être. Non. On ne peut pas se le rejoindre. C'est ça, c'est une liberté. Non. C'est chacun. Mais il y a des gens qui ont confiance à leur toutou. Puis un jour, ils se retrouvent que le toutou, il sort avec un autre toutoune. C'est bon, la vidéo? Il y a des toutous qui ont plusieurs toutounes. Puis ils ne disent pas. C'est cochon. Moi, je connais des femmes. Oui, mais regarde les yeux bien brillants, sans bonne marque. Je connais des femmes, des bonnes mères de famille, puis le toutou, il sort depuis des années avec des toutounes, puis ils ne savent pas. Ah, il n'a pas d'idée partout. Mais tant que ça y fait pas mal. Ouais, quand ça sait pas, ça va mal. Pas, ça mais qu'elle sache, elle va se tourner. On va mettre l'âge dedans. Quand tu le sais, ben là, tu c'est capable. Mais pourquoi pas? Oui, c'est capable. Il y en a qui sont capables. Il y en a qui sont pas capables. On ne sait pas. Qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là pour le passer? Ouais. On l'a vu à ça. Faut jamais mettre sa confiance dans un être. Il dit ça, c'est de l'inconscient. T'échanges avec un être 100% au bout. C'est un bon échange. C'est une bonne échange. Ça dépend de ça. Il mettait confiance en l'autre, puis l'autre, s'il fait tout, mais la confiance vient de tomber à terre. Ben oui, c'est vrai, ça. Ils se sont désarmés, ça ne peut pas faire. Mauvais. Puis dans le domaine de l'amour, c'est là que l'homme vit les plus grandes expériences au niveau de dépression émotionnelle. Parce que la plupart des gens passent par une expérience. Il y en a une qui vient d'un séminaire, là, étant en amour, là, elle voit plus clair. Puis elle a peur, là, tu vois, comprends-tu? Parce qu'elle est trop. Puis c'est une vieille fille, tu sais, 35-40 ans. Regarde-moi pas! 35-40 ans, là, puis son patron au bureau, le comptable, c'est toi, là. Ça flirte depuis quelque temps, puis ça vibre. Puis elle a peur. Puis là, il l'a invité à dîner une fois, mais elle a encore bien plus peur. Puis elle a pas eu beaucoup d'expérience avec les hommes. Fait que là, elle a vu, comprends-tu? Elle avait, ben oui. Elle avait goûté à coucher. Elle a peur parce qu'elle sait que si elle goûte à coucher, là, elle va rentrer dans le paquet de ses émotions. OK, M. Bessette, là, ça va stabiliser ses corps. Pour elle, c'est une grande expérience. Mais là, elle a confiance, pas confiance. C'est sa confiance en lui là, qui permet à elle de faire le pas. Elle va écouter de l'heure, dans 6 semaines, là, peut-être que ça va être tough. Puis là, elle va venir moi avec des grandes larmes. Là. On peut pas mettre notre confiance dans l'homme parce que l'homme n'est pas conscient. Quand vous aurez un homme conscient... quand vous rencontrerez un homme conscient, vous pourrez mettre votre conscience, votre confiance dans lui. Mais il dit que ça ne sera plus de la confiance. Ça va être de l'échange. L'échange. Parce que quand tu es dans la conscience, tu ne peux pas te jouer. Sans ça, t'es pas dans la conscience. C'est soit t'es dans la conscience ou tu l'es pas. Moi, j'ai de la misère avec le comptable de la compagnie parce que dans la compagnie, il y a Gisèle, il y a une autre personne, puis il y a moi. Puis il comprend pas trop comment est-ce que je fonctionne au niveau financier. Parce que j'ai dit, ah, ben Gisèle, c'est comme ma sœur. Ah, non. On parle en comptable, le gars. Puis, des fois, je dis, parce que moi, j'ai jamais d'argent, mais des fois, je dis à Gisèle, donne-moi une petite pièce, un petit 20 pièces. Ça prend tout, vierge. J'ai pris ma belle-mère. C'est bien. Non, tu as tout, pour toi. Hein? Tu as tout, pour toi. Le comptable, il dit à moi, il dit, prends pas de chance. Je suis obligé de respecter son opinion, mais il dit, le calmer. Je peux pas commencer à parler de la conscience. Mais ça doit les tourner un peu, les gens qui se mettent dans le. Moi, en affaires. Dans ton entourage? Ouais. Aussitôt que je suis en affaires, c'est toujours compliqué. Parce que le comptable. Parce que j'ai mis à avoir un comptable inconscient. Parce qu'un comptable inconscient. Il est dans forme. Oui. Il fonctionne dans forme. Puis je veux justement que le gars prenne bien soin de la forme parfaitement pour que j'ai pas l'affaire avec le gouvernement. Moi, je veux rien à savoir. Je veux rien savoir. J'ai pas d'énergie à perdre à ce niveau-là. Fait qu'avec un bon comptable conscient qui connaît ses affaires, là, relax. C'est tout ça. Pour rentrer en conscience là-dedans. Mais quand t'es conscient, tu vois les fonds quand même, mais pour s'appliquer. Quand t'es conscient, tu peux quoi? Tu peux voir les fonds quand même, mais pas s'appliquer. T'es complet, fort. Seulement que tu prends. Quand vous. Quand. Travaille-toi avec des spécialistes. Le gars, il a la vibration pour ça. Il a la vibration pour ça. Tu payes pour ça. T'as pas de problème. Ton mec, il est un comptable conscient. D'abord, si je tombe un comptable conscient, il fera plus de comptabilité. Ça ne vaut plus rien. On commence à parler de conscience. Puis qu'on parle d'ici. Là. Ça vaut rien. C'est comme un avocat conscient. Moi, si j'allais en cours. Je peux pas laisser l'avocat débattre mon cas. Faut que je le débatte tout seul. Mon cas. Parce que l'avocat, il comprendra jamais ce que je veux dire. Parce qu'une façon de parler à un juge. Quand tu parles à un juge, faut que tu le respectes. Faut que tu donnes raison. Faut que tu démolisses sa raison. Faut que tu empiricises la tienne. À la fin. Pas au début. Tu fais du dialogue, tu fais du dialogue. Puis finalement, là, il y a une façon de parler à un juge. Mais si j'explique mon cas à l'avocat, lui, il va agir à sa façon, des plans pour que je perde la cause. Parce que moi, si je vois, je ne perdrai pas la cause. Je ne peux pas perdre ça de cause. Je gagne tout le temps la cause. J'ai toujours raison. Toujours d'esprit en esprit. Fait que l'immigration du juge, je les connais. J'ai gagné mon cause à l'Afrique du Nord, mais j'avais 5 juges de la Sorbonne en France. J'ai gagné mon cas. Il ne pouvait pas faire autrement. J'avais toujours raison. Quand tu as toujours raison, comment est-ce que tu veux que la raison dise avec ça? J'ai dit, fait rire. Ah, Seigneur, qu'on dit. Il lui a dit, croyez-moi pas. Puis là, c'est comme ça qu'ils l'ont cru. Ils vont sortir une soirée. Quelque chose, une plaidoirie. Mais quand tu seras avec eux autres, c'est le fun. Le juge, ils le connaissent, l'avocat de la procuration, ils le connaissent. Ça marche. Mais il dit que c'est bien important pour nous autres d'apprendre à ne pas se faire. Parce que si on fait confiance au monde, il dit qu'ils vont créer des situations pour nous faire perdre ça. Cette habitude-là. Rien que pour nous dompter, à toujours se fier à nous-mêmes. C'est une forme. Pas besoin de croire à personne. Faire confiance. Ouais, confiance, pas confiance. Non, faire confiance, ça n'a pas d'affaire avec quoi. Non, mais c'est ce que je veux. Faire confiance à quelqu'un, c'est te soumettre à une autre personne. Tu peux pas te soumettre à une autre personne. Parce qu'une personne, tant qu'une personne n'est pas consciente, t'es pas sur une longueur d'onde universelle avec elle. Fait que tu peux pas. T'es obligé de partir de toi-même. De toi-même, tu sens la situation. Tu la sens la situation et tu agis à l'intérieur de cette situation-là. Mais si tu ne sens pas la situation, c'est fini. C'est-à-dire, c'est pas que les gens font confiance aux gens. Parce qu'ils ne sentent pas. Fait qu'ils sont obligés de faire confiance puis ils se font jouer des taux. Fait que tu vois la vie des gens, c'est constamment des mauvaises expériences. En affaires, surtout les gens qui sont en affaires. Puis éventuellement, les relations humaines se détériorent tellement que c'est rendu que les gens se font plus confiance. Tu peux plus rien faire aujourd'hui, chose. Tu peux pas dire à un gars, je te paierai la semaine prochaine. Il va t'amener chez le notaire. Tu vas payer quelqu'un, genre, là, se faire leur su, on se connaît, je te fais confiance. C'est ça. Mais, puis quand on devient sensible vibratoirement, on réagit à ça. On en souffre pour rien. On sait. Mais ça, c'est pas des choses que je peux dire en public. Je peux pas écrire ça dans les livres. Faut pas faire pas confiance à personne. Parce que les gars, les gens vont dire, il est antisocial. C'est pas un homme de bonne volonté. Tu sais, tout le simple. Et ça s'explique bien. Ah, ça s'explique bien. Quand on peut l'expliquer totalement. Quand les gens peuvent le comprendre. Il dit qu'on peut pas, parce qu'il dit l'affaire de faire confiance, ça va être loin pour eux autres. Là, il parle au niveau humain, mais ça va bien quoi, là, pour eux autres. Parce qu'eux autres, quand ils disent, apprenez à pas faire confiance à personne, ça veut dire, apprenez à être centrique pour qu'un jour, quand vous arriverez devant des faits qui dépasseront votre entendement aujourd'hui, que vous puissiez pas, à ce moment-là, faire confiance à personne. Fait comme ça, vous serez pas dans le bateau. Je sais pas s'il y en a qui sont allés voir le conflit, là, The Final Conflict, le film, là. C'est en anglais, ça, ce film? C'est en anglais, oui. Ça passe au théâtre? Ça passe, ça passe au théâtre. C'est l'Antéchrist. Ah oui? C'est romantisé, tu sais. Mais, tu vois les pouvoirs de l'homme, tu sais. Les gens se font prendre. On ne peut pas faire confiance. Si, bravo. Tu le sais. Tu le saches. Faut toujours qu'on soit maître de la situation tout le temps, dans n'importe quelle situation, tout le temps. Tu peux faire confiance à une personne parce que tu veux y faire confiance pour lui, pas pour toi. Des fois. Moi, j'ai fait une transaction dernièrement, j'ai fait confiance à une personne, mais c'était tellement contre la psychologie de l'homme, ce que j'ai fait, que, autrement dit, les gens à l'affaire font pas ça. Que là, ça a établi un lien très étroit entre moi et cette personne-là. C'est pour ça que j'ai fait confiance. Mais je savais pourquoi je faisais confiance. Mais je faisais pas confiance. C'est que j'agis de même. Tu peux des fois rencontrer une personne, puis tout le monde va dire, on peut faire pas confiance à cette personne-là, là. C'est vrai, tu sais. C'est tout le monde. C'est une personne. Puis t'arrives, toi, tu vas faire confiance à cette personne-là, là. On use des mots. D'une façon, cette personne-là, là, est réellement avec toi. Ouais. Ton plus grand ennemi peut devenir ton plus grand ami. Mm-hmm. C'est de la façon qu'on le fait, par exemple. C'est vibratoire. Il y a une façon de le faire. Tu ne l'as pas cru, non? Automatiquement, non, parce que tu le sais, toi. Mm-hmm. Tu sais. Tu sais. Il dit qu'on doit, réapprendre la vie complètement. Complètement réapprendre. Tout ce qu'on pense, toutes les façons d'agir qu'on pense, sont pas bonnes. C'est quand c'est plus bas à toi. Tu sais, c'est ça. T'as pas pensé. Parce que quand on pense, c'est là qu'on fait des erreurs. Thank you. Mais en parlant de faire confiance à une personne, moi j'ai vécu une situation à peu près qui vous se rapprochait de ça. À mon travail, j'avais une copine avec qui je suis devenue ben chum, ben amie. Puis un jour, je suis arrivée sur le département. Les deux sur le même département. Puis avec certaines choses qui s'est passées, qui est arrivée là, ben je me trouve comme à l'avoir. Il y en a qui appellent ça être vendu. Mais je l'ai vendu, je veux dire, en pleine face. Parce que j'étais comme. Pour elle, moi, vis-à-vis elle, j'étais. Moi, son bras droit. Mais à un moment donné, il y a certaines choses, ça ne marche plus. J'étais beau à avoir une certaine. Certains points communs. Mais. Il y a certaines choses que si ça dépasse les bornes, à ce moment-là, tu es obligé de virer carré avec l'autre. Qu'est-ce qui est arrivé? Ce qui est arrivé, c'est que dans le milieu où je travaille, il y a des gestes qui touchent ta compétence. Puis elle, il y a des gestes qui touchent pas ta compétence. Puis elle est allée au-delà des bornes de sa compétence. Puis, ni plus ni moins, moi, j'ai fait un rapport sur cette personne que je lui ai donné. Puis que j'ai donné à, je sais pas, à l'administration. Puis le ministère, là, ça a viré carré. Puis c'était en rapport avec la confiance. Cette personne-là avait une confiance en moi. Pas possible. Puis moi, comme je me suis sentie, j'étais bien chum avec. Mais autant je pouvais être chum avec, autant s'il y avait quelque chose qui était coche, je pouvais faire le. Complètement virer de bord. Je m'en fichais, mais ça marchait pas. J'ai fait ça. Considérais-tu que t'as bien fait? Ben moi, ça me dérangeait pas. Moi, je démordais pas. C'est comme ça. Content, pas content. Qui arrive n'importe quoi. C'est comme ça que c'est arrivé. Moi, je me considère correct. Je sais qu'elle est. Pas de choix. Il y a du niaisage jusqu'au bout, mais à un moment donné, c'est du niaisage. Il y a du monde qui ne veulent pas voir par peur. Mais à un moment donné. À un certain moment, il faut que tu agisses. Il y en a un qui a une question à me demander et il ne veut pas me demander. Fait que m'en répondre. Il y a des gens qui savent pas, qui peuvent pas délimiter. Qui peuvent pas délimiter leur sens de culpabilité. Il y a des gens qui font des actions qui créent en eux de la culpabilité, puis ils savent pas où trancher la valeur de l'action. La personne en question. Dans son action est justifiée, mais la personne, elle se sent coupable parce que la personne comprend pas que ce qu'elle a fait était nécessaire pour sa propre évolution. Si la personne n'avait pas fait cette action-là, ça l'aurait retardé son évolution sur le plan émotionnel parce que la personne était incapable de faire face à elle-même dans le cas où l'action n'aurait pas été faite. Donc, l'action a servi à faire réaliser à cette personne-là qu'elle était nécessaire. Alors, la culpabilité dont souffre la personne, c'est une culpabilité qui résulte du fait qu'elle n'est pas assez centrée. Mais l'action était nécessaire. Parce que si elle n'avait pas fait cette action-là, son rapport avec l'autre personne aurait détérioré. Puis généralement parlant, quand les gens font quelque chose qui suscite des mouvements ou des réactions qui amplifie le sentiment de culpabilité. La personne doit tuer la culpabilité. La culpabilité, c'est une illusion totale de l'ego. C'est une illusion totale de l'ego, la culpabilité. C'est très mauvais parce que ça réduit votre force intérieure. Ça vous rend esclave complètement de vos sentiments. Parce que dans l'émotion, dans ce qu'on appelle nous autres les émotions, il y a le sentiment. Il y a l'esprit de l'émotion, puis il y a le sentiment de l'émotion. La plupart des gens vivent au niveau du sentiment, dans lequel ils ne reconnaissent pas nécessairement l'émotion. Il y a l'esprit de l'émotion. L'esprit de l'émotion, c'est un sentiment où la personne est emportée par une énergie qui la fait vibrer sur le plan émotionnel. C'est ce qui arrive souvent quand on écoute de la belle musique ou des choses vraies. Ça, c'est l'esprit de l'émotion. Puis l'esprit de l'émotion, c'est bon parce que l'esprit de l'émotion, c'est une vibration qui vient d'en haut et qui se loge dans le plexus solaire pour qu'on vibre. Puis il y a le sentiment de l'émotion. Le sentiment de l'émotion, c'est très mauvais. Parce que le sentiment de l'émotion, c'est une crainte qu'on a de faire quelque chose qui va soulever en soi une émotion quelconque. Il y a une différence entre le sentiment de l'émotion et un sentiment. Un sentiment, c'est naturel. Tu peux avoir un sentiment envers une personne, c'est naturel. C'est bon, un sentiment. Mais quand tu viens de mettre la hache dedans, ça devient le sentiment de l'émotion. Fait qu'un sentiment, c'est bon, mais le sentiment de l'émotion, c'est pas bon. Puis le sentiment de l'émotion, ça vient toujours quand une situation sentimentale se détériore. Toi, t'en as des expériences de même. Où tu pars du sentiment, ça marche. Et quand t'arrives au niveau du sentiment de l'émotion, à ce moment-là, ça devient difficile. Parce que quand t'arrives dans le sentiment de l'émotion, tu deviens tout troublé dans ton esprit. Il ne faut pas se laisser troubler dans l'esprit, parce que quand vous arrivez à un sentiment d'émotion, c'est là qu'il faut mettre la hache. Donc, vivez vos sentiments, mais quand il y a une détérioration dans vos sentiments, vous arrivez à une expérience de vie qui vous fait vivre le sentiment de l'émotion, c'est là qu'il faut mettre la hache dedans. Voyez-vous, vas-y. Mais c'est subtil, ça, mais c'est de même. Le sentiment, c'est bon. Le sentiment d'émotion, c'est où l'émotion se détériore, le sentiment se détériore. Et tout ce qui reste, c'est l'émotion liée à ce sentiment-là. Ça n'a aucune valeur, ça vous retarde. Quand vous êtes rendu dans la phase du sentiment d'émotion, il faut mettre l'âge dedans. Coûte que coûte, dit, parce que si vous ne le faites pas tout de suite, vous allez être obligé de le faire tout à l'heure, parce que déjà, l'énergie est finie. Planétairement, l'énergie est finie. Puis il y a des gens qui vivent dans le sentiment d'émotion pendant des années de temps. Des années de temps. Nos anciens parents, là, c'était fini entre eux autres, là, c'était final. Il n'y avait plus de complications, les ponts étaient tous brûlés. Là. Ils sont morts ensemble, croche, là, l'arthrite, tout ça. Il ne te fait pas sentir, un couché dans un lit, l'autre couché dans l'autre lit, dans l'autre chambre. Tu sais. Il n'y a plus rien. Mais les femmes étaient assez puissantes que ça gardait ces gens-là ensemble. Aujourd'hui, ça ne marche plus de même. C'est très mauvais le sentiment d'émotion. C'est du poison à ras. Du sentiment, c'est bon. C'est naturel chez l'homme. L'esprit de l'émotion, mais c'est une autre forme d'émotion qui fait partie de la sensibilité de l'âme. Toi, t'en as vécu dernièrement, ça, cette affaire-là. Sentiment de l'émotion. Toi aussi. Ben attention à ça, le sentiment de l'émotion. C'est mortel, je vous dis, c'est mortel. Ça vous diminue dans votre puissance intérieure, dans votre force intérieure, dans votre propre lumière, ça vous diminue. Ça empêche votre ego de passer au stage de l'esprit. Lui, Croteau, il aurait pu vivre le sentiment d'émotion, puis il aurait été prêt à mettre la hache dedans. Il y a quelque temps. Il faut qu'on comprenne ce que c'est de l'émotion. Il faut qu'on sache que le sentiment d'émotion, c'est très mauvais. Très mauvais. Merci. Le sentiment d'émotion dans notre vie, ça se manifeste sous différents plats, dans toutes sortes de situations. Toutes sortes de situations. Mais j'ose pas trop en parler d'une façon ouverte parce qu'il y a des gens qui comprennent mal ce que je veux dire, puis... Des fois, je me sens, moi, là, comme j'étais un gars qui vient, on dirait que... C'est comme si je venais d'une autre planète, là. Je dirais au monde, écoute, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Puis les gens me regardent avec des grands yeux, ils me disent ce qui te sort. Puis... C'est comme ça que je me sens. Pas tout le monde sans étoile. On va y aller. Puis quand vous renversez la vibration du sentiment, d'une émotion, laissez-moi vous dire que vous changez vibratoirement en maudit. Elle, elle l'a vécu, ça, elle. Au bout. Il se crée une disconnexion entre toi quand tu détruis le sentiment d'une émotion. Tu montes de main. Tu réalises ta force. Tu réalises ta centricité. Puis tu réalises que tu t'es mis sous une autre vibration automatiquement. Puis tu réalises que ta vie, elle s'ouvre dans une autre direction que tu n'avais même pas pensé que c'était possible avant. Fait que le sentiment d'émotion, tant que vous n'êtes pas capable de le tuer, c'est comme une porte. C'est une porte. Ça vous brique, ça vous empêche, ça vous bloque un avenue à une vie que vous ne savez pas qui est possible. C'est très mauvais. C'est une chaîne. Surtout dans le domaine de l'amour, ça va bien plus fort. Une chaîne. Terrible. Expérience pénible à vivre. Mais ça fait partie de votre expérience, ça fait partie de votre choix, ça fait partie de votre capacité d'agir, ça fait partie de votre propre réalisation, ça fait partie de votre centricité, votre puissance intérieure, votre paix, votre joie de vivre, toute votre patente, votre ouverture sur votre propre esprit. Si vous laissez les sentiments de vos émotions vous embarquer et vous enchaîner dans des situations de statu quo, c'est votre problème. Moi, je vous en parle, le reste, c'est votre affaire. Mais si vous êtes dans la force, ils vont vous amener un jour à la péter, cette chaise-là, ça, c'est garanti. Ils ne vous feront jamais traîner ce boulet-là parce que vous ne pouvez pas traîner ce boulet-là et changer vibratoirement. Ils sont obligés de vous changer vibratoirement pour que vous passiez du niveau de l'ego au niveau de l'esprit. Il n'y a pas de choix. Mais je vous l'explique pour vous rassurer que si jamais vous devez le vivre, le sentiment de l'émotion, la détruire, au moins que vous êtes correct. Moi, là, des fois, là, bon, OK. Je prends des gens qui sont proches de moi, par exemple. Quelqu'un qui est proche de moi. Spout, aussi bien, Michel, Jésus, bien. Monsieur Bessel, je peux même parler de Monsieur Croteau, si tu veux. Monsieur Croteau est rentré chez nous. Okay? Si je sens qu'il y a une grande agressivité dans lui, je ne veux pas dire contre moi, là, qu'il y aurait une grande agressivité là, dans les personnes proches de moi, là. Moi, là, je tourne dans la maison. Oh, pas bien là, je sais pas que ça me défait. Je le ressens, cette agressivité-là, là. Je sais pas qu'est-ce que ça me fait, là. Ça me... Je sais pas. Tellement que ça me... Ah, mais je vais te dire une chose. Tout est une tendance facile à interpréter une vibration pour une certaine agressivité. Parce que t'es à cause de ta sensibilité. Puis, une vibration, il y a une certaine sorte de vibration qui n'est pas nécessairement agressive. Comment bien ce que j'ai dit, c'est pas nécessairement contre moi. Oui, oui, d'accord. Hein? Mais c'est pas nécessairement... de l'agresser. C'est une vibration. Ouais. Moi, il y a bien des gens, des fois, qui me rencontrent et ils pensent que je suis en maudit. Puis je suis pas en maudit. Si quelqu'un venait de dehors, tout de suite, rentrer dans la pièce, il pensait que je suis en maudit. Puis je suis pas en maudit, j'ai parlé toute la soirée demain. C'est une vibration. Je suis pas en maudit. Oui, mais quand tu es venu chez nous, là, t'es rentré, là, chez nous, là, quand t'as passé la porte, j'ai senti une puissance qui rentrait avec toi, là. Elle sait que ça m'a reculé. Ouais, mais ça, c'est l'énergie, ça. Mais, oui, OK. Mais là, toi, tu venais, là, de cette puissance-là avec toi. Mais j'ai pas ressenti une agressivité à l'intérieur de toi. C'était une puissance qui rentre avec toi, OK? Mais tandis que chez une autre personne, des fois, je vais sentir une mauvaise humeur intérieure, là. Ben non, une agressivité intérieure. Si je sens une puissance, ben, je vais la sentir, la puissance. Mais c'est pas agressif. Mais si c'est agressif, je le ressens. Puis ça me déculotte, là. C'est pas bien là, moi, je tourne en rond, là. Assez, là, que je me possède plus. Je sais plus quoi faire de ma peau, là. Tu sais? Ouais, mais faut que tu sois sûr. C'est subtil. J'essaie. Parce que toi, tes os se troublent facilement. Oui. Tes os. Oui. Pas tes os. Mes os. Tes os. Se troublent facilement. Ta sensibilité. Tu vis dans le cœur. Mais, d'abord, une chose. Les gens vivent des changements vibratoires, consciemment ou inconsciemment. Mais nous autres, on doit être capable d'être assez, avoir assez de résistance. Pour voir ce que l'autre, c'est son affaire. Ouais, pas en souffrir. Peut-être, c'est parce que c'est des gens que j'aime, peut-être, mais non. Tu sais, qu'ils sont proches de moi. Ça serait-tu parce que je vois qu'ils sont. Qu'ils souffrent intérieurement, quelque chose comme ça, que c'est ça qui me. Je sais pas. Non, mais voilà. Ça fait partie de ta sensibilité, ça. Toi, tu es une vieille. T'es une meille poule, tu sais. Tu vas le mais de temps, hein? Tu vois, si je le pogne pour que je change de couche, il rira pas de Faut être neutre au monde. Tu peux pas souffrir du monde tout le temps. Faut avoir assez de résistance. Puis ça, c'est en gros, ça vient à l'objectivité. Faut être assez centrique. Que, comment qu'il y aurait une tempête, tu sens rien. C'est juste. Sans ça, tes émotions vont rentrer dedans. Bien important d'être neutre au monde. Surtout dans le domaine de la conscience cosmique, dans tout le domaine de notre moi, là, puis la centricité, tout là. Puis quand vous rencontrez des gens qui sont pas sur votre longueur d'onde, là, puis il y a tout un commun genre de conflit qui se livre, là, c'est là, là qu'il faut être centré. Sans ça, vous vibrez, puis ça change. Ça peut vous changer pour deux jours. J'arrive là, pour le bien du monde. Ça me dérange pas, je tourne les talons, là, pour le moment, là. Quand on est avec des amis, ça se passe, c'est relativement facile. Mais quand on est avec des personnes, là, que ça sent, c'est tough. Oui. C'est important, ces expériences-là. Ben, faut pas se tourner le dos tout le temps, faut y faire face. Faut pas souffrir. Faut pas souffrir, mais faut y faire face quand même. Des fois, faut y faire face. Des fois, tu tournes la face. Tu sens bon. Ça dépend ce que tu veux faire. Ouais. Mais, faut avoir une neutralité, ça, en dedans. Le sentiment d'émotion, c'est une condition émotionnelle qui fait que les liens avec lesquels tu avais avec une personne avant sont rompus. Étant rompus, ils ne servent plus, ni dans ton évolution, ni dans la sienne. Alors, comme ce sont des liens qui sont construits sur des expériences passées, si les liens doivent être détruits, à ce moment-là, tout le passé revient en jeu. Là. Et à ce moment-là, c'est difficile de briser les liens. Puis si tu ne brises pas les liens, tu vas être pogné dans les liens. Tu vas t'étouffer. Il n'y a pas un être dans la vie avec lequel on a des relations absolues tant qu'on n'est pas lié avec cet être-là par l'absolu. Ça, vous en avez oublié. C'est ça que je fais la différenciation, être en amour et être dans l'amour. Parce que vous pouvez être dans l'amour avec un rêve pendant un certain temps, puis ça, ça sert à votre évolution pour certaines expériences. Puis après un autre temps, vous êtes dans l'amour avec un autre, puis ensuite un autre, puis ensuite finalement, vous êtes dans l'amour. Fait que le sentiment d'émotion, c'est le point où le sentiment est rompu. La valeur expérientielle du sentiment qui vous lie ensemble est rompue. Il n'y a plus rien pour vous nourrir. Hein? Il n'y a plus rien pour vous nourrir. Il n'y a plus rien pour le nourrir lui, puis il n'y a plus rien pour le nourrir elle ou les deux. C'est mort. Là, vous avez un choix à faire ou traîner pendant des années le boulet de canon. Ça, c'est mortel. Vous ne pourrez jamais avancer avec ça. Non. Mais si t'es dans l'amour à ce moment-là, t'es dans l'amour. C'est eux autres qui rendent le show. Puis t'auras toujours le discernement pour pouvoir être l'air. Mais c'est très mauvais le sentiment d'émotion. J'ai rien contre le sentiment. J'ai rien contre l'esprit de l'émotion. Mais le sentiment d'émotion, c'est mortel. Puis les gens souffrent aujourd'hui beaucoup de ça. Il y a le gars, l'autre fois, le psychologue, là, depuis des années, puis des années, puis des années, puis des années, puis des années, puis des années, qui souffrait du sentiment d'émotion. Moi, je peux pas te donner de conseils au monde. Mais je peux expliquer une situation, moi. Finalement, il y a mis un H dedans. Oups! Ça s'est clarifié. Là, il est bien. Elle est bien, lui est bien. C'est à peu près temps, 4 ans. Mais ça, ça naît, ça, du sentiment de l'émotion. Peut-être que si on n'avait pas parlé de ça depuis le séminaire, puis là, ça aurait duré un autre 5 ans, un autre 10 ans, il aurait pas été un maudit bout de temps, le gars. Là, finalement, sa vibration a changé, il est Whitley, il est pas dans l'inquiétude, ça marche. La vie, ça continue tout le temps. On pense pas que ça continue, on s'imagine que ça tombe tout à terre. On est en amour, les hommes. On devra jamais être en amour, les hommes. Ça fait partie de la condition humaine d'être en amour. Mais ça, c'est lié à la qualité de nos émotions, c'est normal. Tu peux pas être ce que tu peux pas être. Mais il viendra un jour où l'homme ne sera pas en amour, il sera dans l'amour. Quand l'homme sera dans l'amour, à ce moment-là, il souffrira plus du sentiment des émotions dans cette expérience-là. Il faut que je vous le dise. Si je vous le dis pas, qui va vous le dire? Je vous mets pas sur le spot. C'est pas bon être en amour. Mais pour vous autres, c'est normal. Un jour, ça sera pas normal. Puis il y en a qui commencent à comprendre déjà que c'est pas normal. Pas dans le sens que c'est pas normal, mais dans le sens qu'ils commencent à en sortir. Parce qu'être en amour, c'est être esclave d'un autre être. C'est être assujetti à son amour pour soi. Tout d'un coup, la flamme s'éteint, c'est fini. Comment ça s'éteint, Denis? Les gens qui se rencontrent et qui se disent, ah, quand on voit des films, on écoute des histoires, des chansons. Je t'aime. Je t'aime jusqu'à la mort, mon pitou. Ouais. Hey, je te dis qu'il y en a qui m'ont jeune. Ça sonne pas bien. Mais commencez à écouter les chansons de la radio. Surtout à CKVL, vous allez voir que ça sonne drôle à mourir. Avant, vous embarquiez là-dedans, comprends-tu? Là, vous mettiez votre main sur sa main, puis hein, vous écoutiez la chanson ensemble, puis les grosses larmes. Tossiez un petit peu. Vous allez voir aujourd'hui que. Puis avec le temps.